Merci. Merci à vous tous. J'espère que vous passez une bonne soirée. J'ai la rude tâche de présenter quelqu'un que j'ai présenté hier dans des termes assez spéciaux. Aujourd'hui, je préfère dire que c'est quelqu'un qui chante une formidable chanson. La Martinique est composée de différentes ethnies. Voici un béquet de la Martinique, un grand béquet de la Martinique. Philippe Laville, s'il vous plaît. Encouragez avec moi le groupe Malavoie qui a eu, je suis très fier d'être là, très heureux et très fier d'être avec eux et je les remercie de m'avoir permis de chanter en leur compagnie. Alors les mecs, merci beaucoup. Là j'ai un immense privilège, ça fait pas mal de temps que je la connais puisqu'on a la chance de travailler avec elle tous les jours sur scène. Elle est 50% martiniquaise, 50% guadeloupéenne et 50% guyanaise. Et l'inflation galopante aussi, ça marche là-bas. Alors, moi je trouve qu'elle chante aussi bien qu'elle est belle. Elle s'appelle Edith Lefebvre.